En allemand, pour dire « je suis heureux de vous voir », vous direz « cela me réjouit de vous voir ».« Cela me réjouit », »« es freut mich ». Le verbe est « freuen » et « die Freude » signifie « la joie ». Ainsi, « es macht mir Freude » veut dire « cela me fait plaisir », »« cela me donne de la joie ». Mais on dira habituellement « es freut mich », »« cela me réjouit ». Vous pouvez aussi utiliser ce verbe dans sa forme réflexive en disant « je me réjouis ». « Ich freue mich ».« Ich freue mich » a le même sens que « es freut mich », »« cela me réjouit ». Par exemple, comment direz-vous « cela me réjouit de vous voir » ? Es freut mich, Sie sehen. Sie zu sehen. Sie zu sehen. Oui. Comme il ne s'agit pas d'un verbe portemanteau, on emploie l'infinitif avec zu. Comme en français, où l'on dit « cela me réjouit de le voir ». On a donc « es freut mich, Sie zu sehen ». Et « je me réjouis de vous voir » se dira « Ich freue mich ». « Ich freue mich » de vous voir. Sie zu sehen. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich sehr, Sie zu sehen. Je suis très heureux de vous voir. Ou, cela me réjouit beaucoup. Es freut mich sehr. Es freut mich sehr, Sie zu sehen. Cela me réjouit beaucoup de vous voir. C'est une expression très courante en allemand. Comment diriez-vous, cela me réjouira beaucoup de vous voir? Ou bien, je serai très heureux ou heureuse, c'est la même chose en allemand, de vous voir. Es? Es wird mich sehr freuen. Bien. Es wird mich sehr freuen. De vous voir? Sie zu sehen. Bien. Es wird mich sehr freuen, Sie zu sehen. Cela me réjouira beaucoup. Cela me fera très plaisir de vous voir. Une formule très utilisée en allemand, qui permet aussi de traduire la formule de politesse « au plaisir de vous rencontrer ». Es wird mich sehr freuen, Sie zu sehen. Et maintenant, comment direz-vous « cela me ferait très plaisir de vous voir »« Cela me réjouirait beaucoup de vous voir ». Es würde. Es würde. Oui. Es würde. Es würde mir freuen. Es würde mich. Sehr. Ah oui. Es würde mich sehr freuen, Sie zu sehen. Oui. Mir traduit à moi. Mais c'est mich qu'il faut employer pour dire cela me réjouirait. Es würde mich freuen. Es würde mich sehr freuen, Sie zu sehen. Mais vous pouvez aussi dire, toujours au conditionnel, je serai très heureux ou heureuse, peu importe, de vous voir. Ich. Ich freue. Je serai très. C'est un conditionnel. Ich würde. Bien. Mich sehr freuen, Sie zu sehen. Bien. Ich würde mich freuen. Ich würde mich sehr freuen, Sie zu sehen. Je serai très heureux ou heureuse de vous voir. Ou par exemple, mit Ihnen dorthin zu gehen. D'aller là-bas avec vous. Comment diriez-vous? Je serai très heureuse d'aller là-bas avec vous. Ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen dorthin zu gehen. Ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen dorthin zu gehen. Je serai très heureuse d'aller là-bas avec vous. Vous pouvez aussi dire, cela m'aurait fait très plaisir d'aller là-bas avec vous hier soir. Cela m'aurait fait très plaisir. Es hätte. Bien. Es hätte. Mich. Es hätte mich. Cela m'aurait fait très plaisir d'aller là-bas avec vous hier soir. Es hätte mich sehr. Et c'est maintenant que vous devez plonger dans le passé. Sehr. Gefreut. Gefreut. Gefreut. C'est le verbe freuen. Vous plongez dans le passé et ça donne gefreut. Es hätte mich sehr gefreut. Cela m'aurait fait très plaisir. Es hätte mich sehr gefreut d'aller là-bas avec vous hier soir. Gestern. Gestern Abend. Mit. Mit Ihnen. Ihnen. Dorthin zu gehen. Très bien. Es hätte mich sehr gefreut, gestern Abend mit Ihnen dorthin zu gehen. Vous pouvez aussi dire j'aurais beaucoup aimé, j'aurais été très heureux ou heureuse d'aller là-bas avec vous hier soir. Ich hätte mich. Bien. Ich hätte mich. Sehr gefreut. Sehr gefreut. Oui. D'aller là-bas avec vous hier soir. Hier soir. Gestern Abend mit Ihnen zu gehen. Zu gehen. Où? Gestern Abend mit Ihnen dorthin zu gehen. Bien. Gestern Abend mit Ihnen dorthin zu gehen. Ich hätte mich sehr gefreut, gestern Abend mit Ihnen dorthin zu gehen.